Enfants de la mémoire, souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Celui qui relève les opprimés, libère les esclaves, protège les petits et les faibles et conduit le peuple de Dieu vers la terre promise. Enfants de la mémoire, souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Tout commence au bord du Nil par un petit bébé abandonné, posé sur un radeau de papyrus et de roseaux. Un bébé découvert et adopté par la fille de Pharaon. Tu t'appelleras Moïse, ce qui veut dire sauver des eaux. Enfant de la liberté, souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Il a grandi en taille et en sagesse, mais au fond de son cœur, un grand feu brûlait. Suis-je un Hébreu ou bien un Égyptien? Suis-je du côté des maîtres ou de celui des esclaves? Enfant de la liberté, souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Dieu prit la parole et s'adressa à lui. Moïse, Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Je t'envoie vers Pharaon pour qu'il laisse mon peuple s'en aller en toute liberté. Enfant de la mémoire, souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Pharaon refusa d'écouter Moïse. Alors Moïse, au nom de Dieu, transforma l'eau du Nil en un fleuve de sang. Pharaon refusa d'écouter Moïse. Alors Moïse, au nom de Dieu, infesta le pays de grenouilles, de thym, de moustiques, de sauterelles. Il envoya la grêle, la peste et les ténèbres sur les Égyptiens et leur pharaon qui refusait encore de libérer les fils d'Israël. Enfants de la mémoire, souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Moïse dit à son peuple, préparez-vous, ne dormez pas, n'attendez même pas que le pain soit levé. Prenez votre bétail et tout ce qui vous appartient. Ce soir, le Seigneur passe. Il va tuer le premier-né dans chaque maison d'Égypte. Ce jour deviendra pour nous le plus grand jour. Il restera un jour de fête. On lui donnera le nom de Pâques, car aujourd'hui, Dieu nous libère de l'esclavage. Enfants de l'espérance, souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Il prit la tête de son peuple et en pleine nuit quitta l'Égypte. De partout s'élevait une longue plainte car aucune maison d'Égypte ne fut épargnée. Tous les premiers-nés moururent sans exception. Enfants de l'espérance, souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Pharaon et son armée poursuivirent les Hébreux jusqu'à la mer Rouge. Moïse leva son bâton et sépara les eaux. Tout son peuple passa à pied sec. L'armée de Pharaon prit le même chemin, mais la mer se referma et tous, chevaux et cavaliers, se noyèrent. Les Hébreux étaient enfin libres. À la suite de Moïse, pendant 40 ans, ils traversèrent le désert avant de fouler le sol de la terre promise par Dieu.